Évariste Ndikoba Nyanga. Nous sommes samedi le 15 octobre 2016. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. Certains habitants de la capitale Bujumbura ont répondu présents aux manifestations qui étaient prévues ce samedi dans l'optique de soutenir le gouvernement burundais qui a pris l'option de se retirer du statut de Rome régissant la Cour pénale internationale. La marine burundaise, en collaboration avec le comité des pêcheurs, ont mis la main ce samedi matin sur 6 bandits congolais dans les eaux du lac Tanganyika, côté rivière Murembwe. Pas de mouvement va-et-vient sur la poste frontalière de Kanyaruba. Les habitants de Busiga, province d'Ngozi, demandent le dénouement de la crise entre le Rwanda et le Burundi pour recouvrer la cohabitation de jadis. Dans notre journal, nous allons revenir sur la page nécrologique de notre ancien directeur Vincent Nyeshimana, décédé hier à l'étranger. Certains employés de la radio Sanganiro vont parler de ce qu'ils ne pourront pas oublier de leur ancien directeur. Albert Ndoa sur la mise en onde. Rebonsoir et bienvenue. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, certains habitants de la ville de Bujumbura ont manifesté ce samedi leur soutien à la décision du gouvernement burundais de se retirer du statut de Rome. Le conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura dit que le gouvernement a mis en application l'appel de la population. Ramadan Nourikiye précise que cette décision n'a rien à voir avec la méfiance à la justice. Le point avec Alain Désiré Boukienèze. Ces habitants avaient des banderoles sur lesquelles on pouvait lire les mots suivants. Nous soutenons la décision du gouvernement du Burundi de suspendre toute coopération et collaboration avec l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme au Burundi, la Cour pénale internationale de la Haye. C'est un instrument juridique pour déstabiliser l'Afrique. Ces habitants ont commencé à se rassembler au niveau du rond-point situé en Ngagara. Ils ont fait une marche-manifestation menant au centre-ville jusqu'à la place de l'indépendance. Le conseiller principal du maire de la ville de Bujumbura dit que ces habitants veulent remercier le gouvernement qui a entendu leur appel, Ramadan Nourikiye. L'objectif de cette marche, c'est de montrer le soutien à des différentes décisions déjà prises par le gouvernement du Burundi concernant notamment le retrait du Burundi à ce pays, aussi pour montrer à la population que le gouvernement est en train de tout faire pour défendre l'indépendance du pays. Son conseiller dit que cette décision n'est pas un moyen de se méfier à la justice. La loi burundaise, il y a la loi qui permet d'opprimer même ces crimes d'un échelon international. Être avec les autres dans la cour, c'est bien, au cas où tous les intérêts de chacun sont préservés. Mais ce n'est pas être dans la cour, une cour qui est politique. Son conseiller principal du maire dit qu'ils soutiendront toutes les décisions du président de la République allant dans le sens de développer le pays. Merci à Alain Désiré Boukayeneza. Certains des employés de la radio Isanganiro disent qu'ils se souviendront de Vincent Nyeshimana comme un directeur exemplaire, bosseur et professionnel. Vincent Nyeshimana a dirigé la radio Isanganiro pendant 7 ans. Il est décédé ce vendredi des suites d'une maladie, suivaient certains employés de la radio Isanganiro. Je dirais que Vincent Nyeshimana, c'est vraiment le directeur qui a dirigé mes premiers pas dans le monde journalistique. Notre ancien directeur dit qu'il vient de rendre l'âme. C'est un chef, je dirais, inoubliable. C'était quelqu'un de responsabilité, digne de son nom. Et puis, je ne peux pas oublier, il était sportif, il était cool, quoi. Notre directeur, chaque fois qu'il venait participer dans nos réunions de rédaction, on avait toujours tendance à soigner notre langage parce que, vous savez, au service de la rédaction, on doit discuter des sujets. Et quand il participait dans la réunion, on se demandait à chaque fois qu'est-ce qu'on a fait. Parce que c'était un responsable qui avait toujours envie que ce que nous faisons soit traité d'une façon professionnelle. Moi, je dirais que Vincent Hishimana, c'était un homme pas n'importe qui dans le monde médiatique burundais, même au niveau de la région. J'ai eu la chance de le côtoyer et j'ai aussi eu la chance d'étudier avec lui un master complémentaire en journalisme. Et c'était vraiment un plaisir d'étudier dans une même salle de classe avec quelqu'un qui me dirige et quelqu'un qui m'inspire. Et Vincent Hishimana, je dirais que il avait tout. Il avait toutes les qualités morales et humaines. C'était un homme souriant, sage, professionnel dans le métier. La famille professionnelle de Vincent, on avait chaque fois besoin qu'il soit à notre côté pendant longtemps. Mais comme Dieu a voulu à son tour qu'il soit à ses côtés, qu'il accueille son âme. Et ce que je n'oublierai pas, c'est que quand il voulait donner des remarques à la rédaction ou à quelqu'un de l'équipe de la rédaction, il donnait des remarques et partait sans que celui à qui il s'adressait ne donne réponse. Donc, il laissait les gens dans le suspense, il laissait les gens réfléchir, corriger la faute. Et une autre chose que je n'oublierai de Vincent Hishimana, c'est qu'il était sportif, on jouait ensemble le football. À propos de Vincent, je me souviendrai d'un directeur calme, mais le calme derrière lequel se cache un directeur aussi bosseur, c'était un directeur aussi sportif. Je me souviens qu'on jouait tous les samedis au football. Au moment où nous étions au sport, c'était un directeur qui te montrait plutôt qu'il est coéquipier plutôt que directeur. Une fois arrivé au lieu du travail, là, alors, commencer à te montrer qu'il est directeur, qu'il se respecte. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Cap sur le Monge pour parler de ces 6 bandits du Congo voisin qui ont été arrêtés dans les eaux du lac Tanganyika côté rivière Murembwe ce samedi matin. C'est une patrouille conjointe de la marine burundaise et du comité des pêcheurs burundais qui les ont attrapés avec leur butin. Ces bandits ont été ensuite remis à la marine burundaise pour subir un interrogatoire. Correspondant signé Jean-Pierre Misako. Vers 6h du matin de ce samedi, une patrouille conjointe de la marine burundaise et du comité des pêcheurs burundais a mis la main sur un groupe de 6 bandits originaires de la République démocratique du Congo qui étaient à bord d'un bateau non coloré et sans numéro, selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, qui a participé dans cette patrouille. Ces bandits avaient 2 moteurs et 4 bidons d'essence d'une capacité de 30 litres chacun, volés aux pêcheurs burundais qui ont demandé intervention depuis 2h du matin. Mais ils avaient aussi des pagnes, 15 filets mailles à monofilament et des produits cosmétiques dont on n'a pas connu la provenance. Un fusil qu'ils avaient au début du vol n'a pas été retrouvé. Gabriel Butoyi estime qu'il aurait été jeté dans le lac Tanganyika quand ces bandits étaient au point d'être attrapés. La marine congolaise qui avait été alertée est arrivée aussitôt sur les lieux et après près de 4h de discussion sur le pays qui devrait interroger ces bandits, Gabriel Butoyi dit qu'après avoir consulté le gouverneur de Rumonge et le commandant de la marine burundaise, des bandits ont été remis à la marine congolaise pour être interrogé sur le sol congolais. Même si ces 2 moteurs ont été saisis pour être remis à leur propriétaire, 17 autres volés aux pêcheurs burundais depuis mai de cette année n'ont pas encore été retrouvés. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci à Jean-Pierre Misago, quittant Rumonge pour Ngozi pour parler de ces relations entre le Burundi et le Rwanda. Côté commune Musiga de la province Ngozi, qui sont au point mort, indiquent certains habitants de cette commune vivant près de la frontière burundo-rwandaise. Le trafic des marchandises n'est plus depuis quelques mois selon cette population. Ceux qui se sont exprimés sur nos micros demandent le dénouement de la crise entre les deux pays pour recouvrer les bonnes relations qui caractérisaient jadis les deux peuples. Médard Nyunguru, reportage. Arrivé à la frontière burundo-rwandaise, près du poste frontalier dit Kanyaruba, il n'y a pas de mouvement de va-et-vient des personnes et des biens de part et d'autre comme jadis. Évariste Wigirimana est l'un des habitants de la localité rencontré près de la frontière. Il indique que la situation actuelle est le résultat des mauvaises relations entre le Burundi et le Rwanda. Il ajoute que la perte est énorme côté population. La situation actuelle ne permet personne à se rendre soit au Rwanda, soit au Burundi. Les conséquences pèsent sur le petit peuple. Par exemple, l'on achetait des cahiers au Rwanda, c'est là où il coûtait moins cher. Les friperies provenaient du Rwanda. Aujourd'hui, rien ne franchit la frontière. Ce vieil homme de 80 ans se rappelle de la bonne cohabitation d'avant la crise entre les Burundais et ceux de l'autre côté de la Kanyaru. Il se dit être scandalisé par la situation du moment. L'on se rendait visite. Les filles rwandaises pouvaient se marier au Burundi et les nôtres au Rwanda et l'on pouvait aller vendre nos marchandises au Rwanda et ces derniers venaient ici chez nous. Les relations de jadis étaient très bonnes. Aujourd'hui, la situation a tellement changé. Le poste frontalier est fermé. Le trafic des biens est au point mort. La frontière est vraiment fermée. Les habitants de la commune Busiga, surtout ceux vivant près de la frontière burundo-rwandaise, lancent un cri d'alarme aux autorités de ces deux pays de dénouer cette crise pour revivre la situation antérieure. A noter que l'Office burundais des recettes OBR a récemment suspendu temporairement le poste frontalier de Kanyaruba. Léonard Senore, commissaire général de cet office, a indiqué que cela fait suite à cette absence de trafic de marchandises traversant le dit poste frontalier. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Restons au nord du pays, cette fois-ci en province de Muyinga pour parler éducation. Les élèves de la première année post-fondamentale viennent de terminer 3 semaines d'apprentissage sans livre d'élèves. Cela rend difficile la mise en application de la nouvelle pédagogie d'intégration par les enseignants. La direction de l'enseignement en province Muyinga rassure que ces livres pourront être disponibles à l'État avec Dieudonné Nzima. Avec l'année scolaire 2016-2017, les enseignants doivent appliquer une nouvelle pédagogie dite pédagogie d'intégration. L'élève doit acquérir non seulement un savoir théorique, mais aussi le savoir-faire. Certaines conditions s'imposent pour appliquer cette pédagogie. La disponibilité du matériel, aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève. 3 semaines après la rentrée de l'année scolaire, les manuels d'élèves ne sont pas encore disponibles. Les enseignants peinent à travailler conformément au nouveau système à cause de ce problème. Pour Blaise Pascal Misagou, directeur de l'enseignement en province Muyinga, les besoins ont été exprimés juste après l'orientation des élèves de l'école fondamentale ou encore de la 10e. Ce matériel pourra être disponible d'ici peu, rassure son directeur. Des sources à la direction de l'enseignement en commune Muyinga affirment qu'un seul manuel de l'élève est déjà disponible par section. Comment exploiter un seul manuel pour des classes parfois dépassant la centaine d'élèves? Question sa réponse. Vous saurez que le problème de manuel d'élèves n'est plus d'actualité pour l'école fondamentale. En 9e, par exemple, chaque élève a un livre à sa disposition. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons de l'hygiène où le Burundi se joint au monde entier chaque 15 octobre pour célébrer la journée de lavage des mains, un événement qui va se célébrer dans la province de Rumonge le 28 octobre courant. D'après Prosper Muyuku du service d'hygiène, Rumonge a été choisi parce qu'étant une ville où transitent beaucoup de gens qui voyagent et où les occupants doivent être sensibilisés au lavage des mains car ils sont souvent menacés par l'épidémie de choléra. Suivez plutôt Prosper Muyuku au micro de Francine Diokougaï. La célébration de cet événement nous permettra de sensibiliser une bonne partie de la population du Burundi en faveur de la mise en œuvre de cette pratique, geste simple, pratique qui devrait être courante, accessible, mais aussi disponible et efficient pour tout le monde. La célébration de la journée mondiale de lavage des mains dans la province de Rumonge n'est pas un jeu de hasard. D'abord, c'est que la ville de Rumonge est une ville où il y a une grande population qui l'abrite. Deux, c'est parce que Rumonge est une ville où transitent beaucoup de voyageurs, soit à Bujumbura, alors soit à Nyanzarak, provenant de l'intérieur du pays. C'est aussi une ville qui est historique pour le début du choléra au Burundi. C'était en 1968 où le premier cas a été enregistré là-bas. Alors, la célébration de cette journée à Rumonge marque l'engagement de la province elle-même de Lomongue à mettre fin aux maladies des mains sales. Alors, la célébration aura lieu le 28 octobre. Nous devons reconnaître que le lavage des mains contribue à environ 50% de la réduction des maladies du périphérique. Je dois vous dire ici que la transmission du choléra relève de trois aspects importants qui devraient être gérés au niveau de la communauté. Si aujourd'hui on parle du choléra au Burundi encore, les populations, ce n'est pas parce qu'ils manquent de savon, c'est parce que le lavage des mains n'a pas été intégré dans leurs habitudes, n'a pas été une priorité dans leurs pratiques au quotidien. D'où la nécessité de mobiliser la population, de célébrer cette journée en faveur d'une large sensibilisation pour renforcer leurs capacités techniques quant au lavage des mains. C'est sur cet élément de Prosper Mouyoukou du service de l'hygiène que se referme cette édition. Mais à ceux-là qui viennent de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. Certains habitants de la capitale Bujumbura ont répondu présents aux manifestations qui étaient prévues dans l'optique de soutenir le gouvernement burundais qui a pris l'option de se retirer du statut de Rome régissant la Cour pénale internationale. La marine burundaise, en collaboration avec le comité des pêcheurs, ont mis la main ce samedi matin sur 6 bandits congolais dans les eaux du lac Tanganyika, côté rivière Murembwe. Pas de mouvement va et vient sur le poste frontalier de Kanyaruba. Les habitants de Busiga, en province d'Ngozi, demandent le dénouement de la crise entre le Rwanda et le Burundi pour recouvrer la cohabitation de jadis. Vous avez entendu certains employés de la radio Isanganiro nous ont parlé de ce qu'ils ne pourront pas oublier de leur ancien directeur Vincent Keshimana qui est décédé hier en Belgique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouaï pour sa collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndzikomanyanga. Nous vous souhaitons de passer la meilleure des soirées. Au revoir. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous situez. L'hebdomadaire Iwachu parle de dérive et isolement dans son éditorial. Il revient sur des décisions du gouvernement de Bujumbura en ces jours face au système des Nations Unies. Les choses sont allées vite, si vite qu'il a suffi d'une journée pour que le projet de loi portant retrait du Burundi du statut de Rome, le traité fondateur de la CPI, soit approuvé par les deux chambres du Parlement burundais, largement dominé par le parti de l'Aigle. Et du coup, le Burundi a créé un buzz avec ce retrait historique, une première selon notre confrère. Ce n'est pas tout, poursuit Iwachu. Il y a également cette décision souveraine du gouvernement burundais de suspendre sa coopération et sa collaboration avec le bureau de l'Office du Haut Commissaire des Droits de l'Homme, accusé de complicité dans l'élaboration du rapport de l'ANUB, la source de tous les maux, si l'on en croit toujours Iwachu. Iwachu qui mentionne les quelques voix dissonantes et grinçantes à l'hémicycle de Kigobe qui ont été étouffées par des éclats de rire, des prières et les révélations de la députée Persile Mwidogo qui dit, je cite, « C'est la volonté de Dieu que nous accomplissons aujourd'hui. Celui ou celle qui ne votera pas ce projet de loi en répondra devant l'Éternel. » Fin de citation. Et c'est suite à ces déclarations de la députée Persile que le journal l'a mise en baisse cette semaine, tandis que le journaliste éloge Willy Kaneza, reporter de SOS Média Burundi, est en hausse pour avoir été lauréat du prix Peter Maclear. Le magazine Burundi Echo soutient que le regroupement en coopérative est un levier du développement. Il revient sur la célébration du 55e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore le 13 octobre dernier. Ce héros national avait entamé sa vie politique par l'initiation des citoyens à la création des coopératives en vue de vivre en convivialité et venir à bout de la précarité que connaissait la population. Dans ses discours, le prince faisait également remarquer que le pays a besoin de tous pour se développer. Il n'a pas hésité à fustiger les voleurs et les détourneurs des deniers publics. Et Burundi Echo de se demander qui les soutiendrait. Revue de la presse. Le journal La Voix de l'enseignant se demande qui vont dispenser le cours de TICE au secondaire. Le cours de technique de l'information et de la communication pour l'enseignement est nouveau. Il vient d'être introduit dans les curricula suite aux réformes et dans l'enseignement au Burundi. Il risque de ne pas être dispensé dans différentes écoles par manque d'enseignants qui s'y connaissent et par manque de support pédagogique. Ce cours a été inséré dans les matières de la nouvelle section dénommée « Sciences sociales et humaines ». La matière en soi est bonne car elle parle de nouvelles méthodes de communication, entre autres l'utilisation de la machine ordinatrice portable ou de bureau, du téléphone mobile, l'internet, etc. Malheureusement aussi, déplore la voix de l'enseignant, le matériel didactique n'est pas présent dans pas mal d'écoles du pays. L'agence burundaise de presse écrit sur les habitants de la capitale Bujumbura qui sont confrontés à un sérieux problème de transport en commun. Le problème s'oppose avec acuité le matin et le soir, estime l'ABP. Il se remarque une rareté prononcée de bus, que ce soit des privés ou de l'office de transport en commun. Le matin, les fonctionnaires de l'État, écoliers et élèves, les marchands des quartiers périphériques comme Charama, Gihosha, Gasegni, Kanyosha, etc. arrivent en retard à leur poste d'attache car, pour la plupart, ils doivent marcher à pied. L'ABP se réjouit tout de même que ces derniers jours, les transporteurs ont trouvé une formule d'aligner les passagers selon leur arrivée. Ceci se remarque sur le parking pour les bus qui se rendent au sud de la capitale vers Kanyosha. Mais petit à petit, renchérit l'agence, les autres transporteurs suivent cet exemple. Shugamami, quand la loi du plaisir s'impose. Ici, le journal Iwachu écrit sur des femmes mûres qui entretiennent de jeunes hommes pour du sexe, un phénomène urbain, une caractéristique d'une société où le plaisir prime, soutient-il. Shugamami ou Momangato, c'est ainsi que l'on désigne les femmes de plus de 45 ans qui recherchent du plaisir sexuel auprès des jeunes hommes, souvent la vingtaine, pour les entretenir en retour. Une divorcée de 45 ans est en couple avec un étudiant de 26 ans, presque le même âge de sa fille aînée. D'un autre côté, un jeune citadin, la vingtaine, affirme être courtisé par une veuve de plus de 45 ans, l'âge de sa mère. Chic, riche, cette femme mûre recherche un partenaire sexuel pour voir la vie en rose, écrit le journal. Ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse qui vous a été présentée par Léonce Vitaliho et Francine Ndiokubgayo. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end. À la prochaine. Revue de la presse.